tout dans les accords secrets de coopération imposés par la communauté internationale et la France, c'est que à partir de 5 mètres, le sous-sol n'appartient pas aux Centrafricains. Tout président qui a osé fouiller comme ça, coupez la tête. C'est la réalité donc. Le récit international officiel qui veut justifier la mainmise de l'Occident sur Centrafrique va évacuer toutes ces réalités, Fabrice, pour présenter la réalité qui est quoi que Touadéra veut s'éterniser au pouvoir. Et il veut changer la constitution pour rester au pouvoir. Et on fabrique des mercenaires comme Madame Darlan. Mercenaires comme son père. Famille de mercenaires. Afrique Média. Le monde, c'est nous.